Avant de tourner à gauche, je dois m'assurer qu'aucun usager n'est en train de me dépasser. J'allume mon clignotant gauche. Bien sûr, je serre l'axe central de la chaussée afin d'aider d'éventuels usagers qui me suivent à me dépasser par la droite. Je ne passe pas sur la voie de gauche maintenant. Je risquerais de me retrouver nez à nez avec un autre véhicule arrivant en sens inverse. Réponse A, B et C.